Chapitre 2. Tungouk n'était pas le seul siamois amoureux de la fille du roi, dont on vantait les grâces, la beauté, qu'on appelait les yeux de la nuit, et que plusieurs princes avaient demandé en mariage. Il n'était donc pas le seul qui courut après l'introuvable éléphant blanc. De tous les points du royaume, soit par amour, soit par ambition, les richards, les hauts fonctionnaires, les grands vassaux, les traitants, les aventuriers, qu'ils fussent mariés ou non, on sait que la polygamie existe dans le pays de Siam, partaient pour découvrir l'animal sacro-saint et gagner à la fois le paradis sur terre et dans le ciel. Tungouk, sachant combien il avait de ribauds, tremblait de ne pas arriver premier. Ne point trouver l'éléphant blanc eût été un malheur dont il se serait consolé, quoique très religieux. Voir passer Ma dans les bras d'un autre l'aurait tué. Quant aux esclaves, à la fortune promise par le roi, il ne s'en inquiétait pas. Ce qui le préoccupait, l'absorbait, emplissait sa tête et son cœur, c'était la jeune princesse, elle seule. Ma était le trésor, le reste n'avait aucune valeur à ses yeux, pas même l'éléphant blanc, tant il est vrai que le cœur prime tout lorsqu'il parle haut. Cependant, dans l'Indochine, l'éléphant blanc n'est pas seulement un grand personnage, plus inviolable que le roi, c'est encore une divinité vivante. Il a son palais, ses gardes, ses esclaves, ses propriétés, dont les revenus sont employés à son entretien. On lui sert sa nourriture, canne à sucre, fruits, etc., dans des plats d'or. On l'endort au son d'une musique harmonieuse, on n'ose se présenter devant lui qu'en rampant. Quand il sort, il a un cortège et des ornements de prix. Quand il meurt, on redoute des calamités. Les Siamois, qui ne sont pas moins superstitieux que les Indiens, considèrent l'éléphant blanc et aussi le singe blanc comme un être supérieur, comme une sorte de palladium. Persuadés qu'il porte bonheur au pays qui le possède, ils estiment qu'il ne paye jamais assez cher sa présence et ils le vénèrent à l'égal de Bouddha. Dans sa relation sur le pays des Birmans, les voisins des Siamois, le capitaine Yule s'exprime ainsi sur ce saint à quatre pieds. Au nord du château impérial s'élève le palais du seigneur éléphant blanc, derrière lequel sont les appartements ordinaires de sa seigneurie. Près de sa demeure se trouvent les écuries où l'on enferme les éléphants vulgaires. L'éléphant blanc actuel occupe sa haute position depuis 50 ans. Je croirais volontiers que c'est celui dont parle le père Sangermano et qui fut pris en 1806 à la grande joie du roi qui venait de perdre celui qu'il possédait. C'est un éléphant énorme. Il a plus de 3 mètres de haut, une tête superbe, des dents magnifiques. Malheureusement, son corps est long et flanqué, mal bâti. Il paraît maladif. Son regard est faux, désagréable, et ses gardiens semblent se défier de lui. Ils nous ont toujours conseillé de ne pas nous approcher de sa tête. Le petit anneau rougeâtre qui entoure son iris ressemble, dit-on, à un cercle de 9 pierres précieuses. Ses paraphernalia royaux, qu'on déploie quand des visiteurs se présentent, sont splendides. L'aiguillon dont se sert son cornac est incrusté de perles dans toute sa longueur. La tiare de drap écarlate qu'on lui pose sur la tête ruisselle de rubis et de diamants. Son front est orné d'un cercle de 9 pierres précieuses, talisman contre les influences pernicieuses. Quand il est en costume de cérémonie, il porte entre les yeux une plaque où se lisent ses titres et au-dessus de laquelle resplendit un croissant. À ses oreilles pendent des glands d'argent, et les harnachés de bandes écarlates tissées d'argent et relevées d'or pur. Il a un fief qui lui appartient en propre, un ministre, 4 ombrelles d'or et une maison composée de 30 individus. Avant d'entrer chez lui, on doit se déchausser. On annonce souvent la prise d'éléphant blanc. Il y a alors grand témoin à la cour, mais la plupart du temps, vérification faite, il se trouve qu'on s'est trompé et que ces prétendus éléphants ne sont que des éléphants gris. En 1831, on prit un éléphant suffisamment blanc pour lui assigner un apanage. Malheureusement, le gouvernement étant alors obligé de payer les dernières indemnités de Yan Dabo, fut contraint d'y appliquer les revenus du nouveau Zenmeng, seigneur éléphant. Une députation se présenta, en grande pompe, au pachyderme, une lettre du roi, écrite sur une longue feuille de palmier, laquelle lettre priait l'illustre animal de ne pas s'offenser si on le privait de son revenu pour payer les calas. Les étrangers, et l'assurait que tout lui serait remboursé avant 2 mois. Pour augmenter ses chances de succès, Tungouk, qui n'avait du reste aucune action criminelle à se reprocher, et dont la conscience était en repos, songea à mettre de son côté Bouddha et ses prêtres les talapoins, en leur faisant des offrandes et en achetant deux ou trois amulettes pour se préserver des maléfices et sortir des embûches que ne devaient pas manquer de lui dresser les sorciers et les sorcières qui pullulent dans la mythologie hindoue. Grâce aux libéralités du négociant, il avait de quoi se montrer aussi généreux qu'un mandarin et s'approvisionner convenablement de choses saintes. Il fit deux parts égales de son argent, une part pour sa religion et une part pour ses dépenses de route. Cela effectué, il se sentit plus calme, plus confiant. Au bout de 4 jours de navigation, il arriva à Jutia, où il se proposait d'accomplir ses dévotions, de prendre des forces et de dresser son plan de campagne. Jutia est la seconde ville du royaume de Siam. Autrefois, elle en était la capitale. Le roi y possède encore un palais où il passe, chaque année, une semaine, et les Siamois ont pour elle une sorte de vénération. Son antiquité, ses temples, dont une partie tombe en ruine, faute d'être entretenue, les colossales statues en bronze doré de Bouddha qu'on y admire et auxquelles la crédulité des fidèles prête des vertus extraordinaires, y attirent incessamment des milliers de pèlerins. Personnellement, Tungguk avait pensé qu'il agirait pieusement et sagement en s'y rendant avant de s'enfoncer au hasard dans les forêts. D'ailleurs, Jutia se trouvait sur le chemin qu'il se proposait de suivre. À peine eut-il pris terre qu'il acheta, à des Chinois tenant boutique d'objets de piété, des parfums pour les brûler devant les autels, des étoffes de soie pour offrir aux talapoins, après quoi il gagna la pagode royale la plus sacrée et y déposa ses offrandes, et y obtint, non sans bourse déliée, des amulettes et des reliques en argile mêlées de cendres royales recueillies sur le mont Phrabhat, un des nombreux endroits de l'Inde où l'on montre l'empreinte du pied de Bouddha. Cela fait, il alla se reposer dans une cabane de bambou abandonnée que son batelier lui indiqua et où il dîna de quelques provisions copieuses, poulet rôti, boule de riz, poisson cuit au curry, qu'il s'était procuré pour la modique somme d'un fuang 37 centimes. La vie n'est pas chère à Siam. Son repas terminé, Tungguk, couché sur le plancher de la cabane, réfléchit, en digérant, à l'itinéraire de son voyage. Le royaume de Siam, qui englobait anciennement les 2/3 de la péninsule indo-chinoise, n'a plus que de vagues limites. Officiellement, il s'étend de la presqu'île de Malacca à la Chine, d'une part, de l'autre, il borne à l'est l'empire d'Annam et à l'ouest les possessions anglaises de la côte occidentale de l'Indochine. Mais en réalité, il ne comprend guère que le bassin du Mennam, le Nil Siamois, dont les inondations régulières commencent en septembre, finissent en décembre et laissent sur les terrains bas un limon fertile. En dehors de ce bassin, du Cambodge au Laos particulièrement, le sol est occupé par des tribus indépendantes sur lesquelles l'autorité réunie des 2 rois de Siam est nulle et qui, en raison de leurs mœurs barbares, sont dangereuses pour le voyageur. C'est du côté de ces tribus que Tungguk décida qu'il dirigerait ses recherches. « Si je vais où tout le monde va, dit-il, je ne trouverai rien. Si je m'enfonce dans le pays des brigands, des fièvres pernicieuses, des tigres, des léopards où personne n'ose pénétrer, j'ai les chances de rencontrer un éléphant blanc. Il est vrai que je cours le risque d'y rester, mais n'est-ce pas quelque chose que de mourir pour moi? Je remonterai vers le Laos, puis je redescendrai jusqu'au grand fleuve, le Mekong. De là, je traverserai le Cambodge, et si j'ai trouvé le seigneur éléphant blanc, je reviendrai à Bangkok. Dans le cas contraire, je n'y reparaîtrai plus. » Selon l'habitude des gens agités par un vif sentiment, il s'entretenait à haute voix, exposant ses plans, ses espérances, ses ambitions, formulant ses plus secrètes pensées, rêvant tout éveillé, se confessant, ouvrant son esprit et son cœur enflammé, sans se douter qu'on pouvait l'entendre ou l'écouter. Un bruit soudain rompit le charme de son soliloque prolongé. Il tourna la tête et aperçut à la porte de la cabane un talapoin qui le regardait curieusement. Vêtu du langouti jaune, de la ceinture jaune, du manteau jaune, de l'écharpe jaune, bref, de toute la friperie jaune qui compose le vêtement du moine siamois, chargé de la marmite de fer battue dans laquelle les frères quêteurs reçoivent quotidiennement les offrandes des fidèles, le talapoin recueillait des aumônes pour la pagode. Tungguk se précipita à ses pieds, jeta dans sa marmite les meilleurs restes de son repas, tira un fouang de sa bourse et le lui mit respectueusement dans la main. Le talapoin daigna sourire pour cet acte de générosité et au lieu de se retirer après avoir empoché le fuang, parut désireux de causer avec l'Indien. « Toi aussi, ricana-t-il, tu vas aller chercher un éléphant blanc ?»« Oui, » répondit Tongoug. « Dans quelle province ?»« Où Bouddha me conduira ?»« Au moins t'es-tu mis en règle avec ta conscience ? As-tu fait tes dévotions ? T'es-tu purifié pour une entreprise aussi sainte ?»« Je suis venu exprès à Jyotia, et j'ai dépensé ce matin pour la pagode royale la moitié de ce que mon maître m'a généreusement donné pour mon voyage. »« La moitié ? Bouddha n'aime pas le partage, c'est tout qu'il fallait lui donner. Combien te reste-t-il ? 8 yo. Remets-les-moi, si tu tiens à réussir. Je les offrirai pour toi à la pagode. » L'Indien hésita, mais devant l'attitude grave du talapoin, sa superstition se réveilla. Sa crainte d'échouer pour n'avoir pas contenté son dieu prit le dessus. Il tira sa bourse et la donna. « Bien, » fit le talapoin en serrant les tio. Puis, guignant le sac de l'Indien, « Qu'as-tu là ? » demanda-t-il avec un sentiment de défiance et d'avidité. « Une arme pour me défendre contre les bêtes féroces. Un peu de poudre, un peu de linge pour panser mes blessures. Voyons. » Tongoug déboucla son sac et en montra le contenu au moine. Ce dernier mania le revolver, l'admira, en étudia le mécanisme et ne dissimula pas qu'il l'accepterait volontiers. Malheureusement, l'Indien avait promis de le consacrer plus tard à Bouddha. « Garde-le et qu'il serve à te protéger, » dit le talapoin en étouffant un soupir de regret. « Tiens, » ajouta-t-il en retirant de sa marmite les restes de vivres que Tongoug y avait jetés, « reprends aussi cela et sois victorieux dans ton entreprise. » L'Indien se prosterna comme pour recevoir sa bénédiction. Le talapoin étendit au-dessus de sa tête le bout de son écharpe jaune et tourna les talons. « Ah ! » s'écria-t-il en se ravisant. « Si tu ramènes un seigneur éléphant blanc, souviens-toi de moi qui te facilite aujourd'hui ta tâche en te sanctifiant par l'aumône et fais-moi partager ta fortune. Je me nomme Shantabun et j'appartiens à la pagode royale d'Ajutia. » Et satisfait de sa récolte, il s'en alla en fredonnant et en jouant du tambour avec les doigts de sa main droite sur le fond de sa marmite. Tongoug se releva, les poches vides, un peu confus de l'aventure. Et pour ne pas s'exposer à retomber en état de péché avant de se mettre en route, il ramassa son bagage, replaça son sac sur ses épaules, sortit de la cabane et partit, plein de foi, en ayant sur les lèvres le nom adoré de Ma. Le royaume de Siam, proprement dit, qui compte à peine 3 millions d'habitants, est un des pays du monde les plus favorisés sur le rapport du clergé quant au nombre. Les prêtres bouddhistes ou talapoins y forment une légion de plus de 100 000 individus, sans parler des supérieurs des couvents, recteurs des pagodes, vicaires, provicaires, princes abbés, dont le chiffre s'élève à 8 ou 10 000. L'Espagne et le royaume des deux Siciles n'ont jamais été si bien partagés, toute proportion gardée. Moitié régulier, moitié séculier, le talapoin qui jouit d'une considération qu'il ne mérite pas toujours est un être privilégié. Veut-il rester enfermé dans le cloître de sa pagode, il y reste. Veut-il courir les champs, il est libre. Il peut même rentrer dans la vie civile s'il y voit son avantage. Rien ne lui manque, non seulement parce qu'il est essentiellement mendiant et qu'on ne lui refuse pas quand il demande, mais parce que chacun lui porte des offrandes. Les femmes l'admirent et le choient. Les hommes le respectent et se prosternent devant lui jusque dans la rue, en joignant les mains à la hauteur du front. Il ne paye pas d'impôts, ne fait point de corvée, ne doit aucun service à l'État, vit avec une indépendance qui dégénère souvent en licence, mais n'en est pas moins vénéré et influent. Celui que Tongoug avait eu l'heure de rencontrer sur son chemin était le type du talapoin avide et attaché aux choses terrestres. Cependant, l'Indien ne considéra pas sa connaissance comme une disgrâce. Persuadé au contraire que Bouddha venait de lui donner un témoignage de sa protection en lui enlevant sa bourse par le ministère d'un de ses prêtres, il sentit son cœur tressaillir d'aise, s'emplir de confiance et il grommela en sortant d'Ajutia. « Certes, si je découvre le seigneur éléphant blanc, je n'oublierai pas le bon talapoin Shantabun. »